à ce que devient un tronc lorsqu'il achève de se putréfier. Il se dégage une forte odeur de pourriture. Toujours pas. Alors. C'est la même chose. Ah non, sauf que j'ai 8. 8. Ça n'arrange rien. Et lui, il lui restait 2. Donc ça le fait. Ah bon? Ouais. Mais c'est quoi? Une adversité? Alors. Mais après, j'ai pas. Tu es sur une case de triomphe, donc tu vas compter ton triomphe. Mais je suis une moufette, tu veux que je fasse quoi? Je sais pas. Ton triomphe. Que je pète? Bah oui, c'est non. Toi non. Qui en fixe les termes. Je suis une moufette, tu peux pète. Donc. Ça, c'est bizarre dit comme ça. J'ai profité pour reprendre ma forme normale. Bah, ça peut être ça, puisque tu nous dis ce que tu imposes au monde de ton vouloir. Ma forme! Contrôleur là! Let's go. Dans mon instance, je dis comment je plie le monde à ma volonté. Donc. Mais comment? N'oubliez pas que vous avez ce que n'a pas fait du tout Xavier. Tu peux piocher une carte de nervure ou d'orable, ou les deux. D'ailleurs, et puis choisir celle qui te convient le mieux. Ça dit pour comment faire une action ou pas? La résolution, mais t'as des scénettes. Si, mais t'as des scénettes, donc on peut la regarder ensemble si tu veux. La table blanche, oh mon dieu. Le destin essaie de vous envoyer un message. Mmh. Un souvenir de vie quotidienne. La Dame Blanche. Ce fantôme demande de l'aide aux voyageurs, mais peut les conduire à un sort funeste si on ne comprend pas comment lui faire oublier sa vie d'avant. Il y a un choc en retour quand un envoûtement échoue ou que la cible a une volonté ou une foi trop forte. Le sort retourne alors à son lanceur. Lieu, un sous-sol ou un terrier. Climat, pluie de l'oubli. Ça correspond à peu près avec l'endroit. Détail forestier, un mulot. Quelque chose d'injuste se produit. Mais je peux décrire la scène ou pas? Ah bah oui, c'est toi. C'est toi qui as l'autorité. Là, je pense que ça te donne plein d'ingrédients pour construire, bâtir quelque chose. Je sais comment c'est ma scène déjà dans ce boulot. Ouais. Et... Il va arriver dans... Il va se faire... Le qui? Le mulot, qui n'est pas encore dans la scène. Les odeurs de friture s'accumulent sous les lampadaires. Non. Alors, on peut... sinon je vais pas me concentrer. Ouais. T'as une idée, mais si tu le souhaites, on peut le faire à deux, un peu dans l'esprit que j'avais de KF. Mmh. Du béton grinçant, c'est-à-dire faire des phrases courtes, se laisser se renvoyer la balle, et après tu peux convier ou non dans ta scène également Xavier sous le même mot. Coucou, c'est une phrase chacun. Trois phrases. La règle, c'est trois phrases, faire des descriptions courtes. Mais je sais pas si je vais y arriver en fait. Mais j'ai peur de trop parler en fait. Non, tu te limites pas. Mais c'était juste pour te donner, tu vois, en tout cas, je peux m'imposer cette contrainte. J'aimerais bien essayer, mais. T'imposes pas de contraintes supplémentaires, déjà construis ta scène, mais si tu le souhaites, on peut aller sur ce terrain-là. Souvenir de la vie quotidienne, qu'est-ce que ça pourrait être? Mes recherches que j'ai abandonnées pour la chasse. Me dire que c'était stupide. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Si je continue, je vais me faire manger par un renard qui vient comme ça. Oh, un poulet. Non. Le temps que forêt. Les deux du côté du chemin, c'est d'abord une avant-garde de bosquets. Fougères et ronciers qui montent la garde et interdisent l'accès. Peut-être est-ce là l'opportunité que tu guettais, jeune fille, pour échapper à la surveillance de tes bourreaux. Je me mets à couvert de leur regard. Je me dirige sans bruit vers l'endroit. Et j'essaye de trouver quelque chose qui pourrait couvrir une sorte d'alibi pour que je passe tranquille. Tranquillement, sans éveiller les soupçons. Le lieutenant Voragne se tient sur le chemin. Tu aperçois à la périphérie de ta vision sa botte. Elle est noyée dans la brume, sa silhouette est indistincte, mais tu la reconnaîtrais, tu connais son odeur. Tu perçois cependant une autre odeur sous le couvert des bosquets, plus profondément dans le bois, là où la lumière du jour peine à traverser la canopée. J'hésite entre aller vers le lieutenant ou aller vers l'odeur. Mais plus j'ai faim, ça vient. Elle ravit ta faim. Elle te chatouille le museau. Mais ça se trouve, c'est un piège. Qu'est-ce que c'est tout à l'heure? Se tient dans les bosquets. Allons-y. Un petit mulot bien rond, bien gras, un petit KFC. En train de se lécher les pattes. Et tu cèdes immédiatement à ton instinct. Exactement. Allez, je me dirige vers le petit mammifère avec la plus grande discrétion du monde, la plus grande discrétion que je peux donner. Tu fonds sur lui. Et je l'attrape. Et il fond dans ta bouche. Miam. Tu sens ses os craquer. Craquer sous. Mais le goût me rappelle quelque chose. Que te rappelle-t-il? La chair de... J'ai du mal à m'en souvenir. Je crois que ma transformation a un peu affecté mes souvenirs, mais ça me rappelle une chair bonne à déguster. Une chair fondante. Une chair! une chair pleine de vie, une chair qui me donnait de la force. Tu sens cette force en toi, désormais? Oui, mais je sais que je pourrais en récolter plus, mais je ne sais plus d'où provenait cette chair que je me nourrissais avant. J'essaye de me rappeler, mais j'essaye. Tu sens... Et tu n'apprécies pas, tu sens la main du lieutenant Voragne qui se pose dans ton cou. Sa main est froide. Non? Un peu. Un peu, mais tu sens son pouls. Oui. Et la gamine là, et tu vois son visage tout près de toi, son visage barbu, ses traits noyés sous la masse hirsute de sa chevelure où s'accrochent, se mêlent les fougères, les ronces, car vous avez voyagé tout le jour à chasser dans le bois. Il t'ôte ta proie de la bouche. Je t'ai pas envoyé dans le bois pour que tu manges des musaraignes. Trouve-moi quelque chose digne de ce nom. Allez, cherche plus avant la gavine. Et ne reviens vers moi que quand tu auras quelque chose. C'est clair. Une autre que toi, je l'aurais giflé pour cela. Il sent ton pouls en même temps, sous son doigt. Comme s'il traquait la crainte ou quelque chose de cet ordre. Est-ce que tu éprouves de la crainte à cet instant ou juste de la hargne? De la hargne. Est-ce que tu la transformes? De quoi? Cette hargne, est-ce que tu la matérialises? Un peu. J'arrive un peu à la contenir. À la contenir ou vers le reste? N'en profites-tu pas pour le mordre au passage? Mais il me tuera après. Ou il me tuera pas, ou il me jettera contre un arbre. Tu restes indécise, mais il en profite effectivement pour te bousculer. Allez, va, chasse. C'est pour ça que tu es là. Un animal! C'est ça, moi. Et... Mais je suis pas censée parler, moi. Quand il pose à nouveau sa main sur toi, tu regardes, tu suis sa main. Il l'a posée sur ton épaule pour affirmer son emprise sur toi. Et quand il la retire, tu vois ta petite robe de mousseline blanche. Tu vois ta chair toute sale, couverte des broussailles qui piquettent la robe, ta robe un peu trop grande, tout abîmée par la forêt. Allez, chasse, Camille. Je commence à m'énerver. Il soutient ton regard, mais tu as encore, en toi l'odeur du mulot. Tu sais que le bois recèle d'autres choses bonnes à manger. Tu sais combien tu n'as pas mangé à cause de lui. Je le fixe et je le regarde droit dans les yeux. Que veux-tu? Que veux-tu vraiment à cet instant? Le dévorer. Tu veux le dévorer? Oui. Ou tu serais prête à renoncer à lui pour gagner ta liberté, lui échapper? Mais si, il est mort, pour aller lui échapper. Et en plus, ça me donnera assez de force pour m'échapper aussi. Mais il y a ces hommes, non moins. Ouais, c'est pas faux. Il me prend pour un animal. Tu t'es recroquevillé un petit peu, tu t'es rabaissé, lui il regarde alentour. Et tu ne sens rien là? À quoi bon garder si t'es pas capable de sentir un bon goupil, quelque chose de grassouillet dans le bois? Hein? Te regarde, regarde plus profondément tes yeux. Allez, vas-y. Hunter Mansion, chasse. Je suis pas ta chienne. Tu te rebelles? Dis s'il te plaît au moins. Tu veux tâter du fouet? J'ai déjà eu un coup de fouet, hein. Merci. J'en ai, ce ne sera pas le premier que j'aurai. Eh, j'en ai ras le bol. Et tu te jettes sur lui ou gagnes-tu ta liberté te fondant dans le bois? Je sais pas, j'hésite. Peut-être que si je le mange, je pourrais redevenir normal, voire acquérir ma dernière forme. Tu te souviens dans l'espèce de bouche où normalement vont les cochons et où vous êtes tenu en captivité par Vorhagn et les siens, de la petite, la toute jeune Irina. N'oublie pas qui tu es. C'est pas parce qu'ils sont méchants avec toi que t'es pas une gentille fille. Promets-moi, n'oublie pas. N'oublie pas. Mais justement, c'est ce que je suis en vrai. Non, tu es une gentille fille. T'es ma cousine. T'es gentille. Non. Il faut que tu sois juste méchante mes avec eux. Tes recherches en plus. Tes recherches, mais il faut pas te risquer. Hein? Il faut pas courir de danger. Une fois, si je peux lutter contre le mal blanc. Promets-moi, tu feras rien contre eux. Je veux pas me retrouver toute seule ici. Si tu veux, je te le promets. Si tu veux. On va l'écouter. Toi, t'es forte. Toi, tu résistes. Et puis, t'as un ascendant sur Vorhagn. Toi, tu peux le... Tu peux t'échapper. Ok, il y a le côté ange et le côté démon. Ok, qu'est-ce que je choisis? Non, je ne sais pas. Arrêtez de m'embrouiller l'esprit. Va te coucher. Et devant toi, tu, en train, tu te souviens de cela. Il a encore une main qui s'attarde sur toi, mais pas à ce moment. Il n'est pas dans le présent. Comme s'il était un peu trouble. Comme si tu le voyais plus. Comme s'il était flou. Mais pourtant, il y a quelque chose qui pèse. Quand tu claques des doigts, c'est pas Vorhagn qui baisse son visage hirsute vers toi. C'est pas l'odeur de sueur qu'il véhicule, c'est une odeur de bois, d'humus, la forêt qui pourrit dans l'eau. Forte qui imprègne ton corps et tes narines. Et là, c'est plus une main sur l'épaule. Oh non, pas encore! C'est une main qui se saisit de ta main comme on le fait en ces contrées. Tu cherches à échapper à cette main tu fermes tes griffes, tu montes tes crocs. Ta hargne, tu dois la tourner vers Ville. Ville, le défaiseur. Bla, bla, bla. Écoute-moi, jeune fille. Tu redeviendras celle que tu étais. Si tu épouses ma cause. Ah, tu m'intéresses, là. Viens à moi dans le marais. Non. Viens à moi dans le marais, jeune fille. Je peux redevenir normale tranquillement. Viens à moi dans le marais. Non. Il m'a eu. Viens pas à ôter ta main de cette gangue. Elle est comme emprisonnée. Tu griffes la main et tu arraches comme des pelures. Tu as senti toute la force dedans, mais maintenant cela pèle et comme des lamelles au revers d'un gros champignon orange qui vient dégoûter. Non, il est là le champignon, il est en terre devant toi. Bécrel, viens à moi. Pas un Bécrel de fer, fille. Non. Et je te donnerai à nouveau ta forme, ma jeune fille. Non. Je vois votre petit jeu. Je voulais dire, ah, si tu veux, je te donne ça. Mais tu dois faire ça en échange. Et après, pas dans la tête. Je vous vois venir. À 10 km. Je te parle. Oh, oh, oh, oh. Oui. Qu'est-ce que t'as? Tout va bien, je crois. Ouais, il faut faire attention, il y a des champignons... Hallucinogènes. Ouais, je ne sais pas ce qui répond celui-là, mais méfie-toi. Je ne voudrais pas perdre ma meilleure chasseresse. Allez, pour l'instant, tu n'as rien levé. Tu fais exprès de me flatter. Allez, gamine. Pour que je chasse. Je suis pas ta chienne, je t'ai dit. Ah, s'il te plaît, ferais plaisir. Un petit. Un s'il te plaît. Ah, je m'en fiche. Une vieille figure comme ça. Il t'embrasse à la russe. Non, merci. Allez, vas-y. S'il te plaît. Chasse. Moi, je veux pas rechasser. C'est dégoûtant. Tu as sur les lèvres un peu de sa salive. Ou est-ce autre chose? Sur quand tu passes. C'est blanc, non? Hein, t'es sur tes mains. J'aurais dû les manger depuis longtemps. Sur tes mains. Il y a comme une matière marron, sombre. C'est de la boue. Comme de la boue, mais il y a une odeur de... Oui, c'est proche du bolet. C'est quoi bolet? Un bolet, un champignon. Okay. Et... Non, je veux pas me transformer en champignon, je veux pas devenir Todd, quand même. Tu te vois contraint pour ôter le goût amer, légère. Le goût présent, il est pas amer, il est tellement présent. Vous voulez me torturer pour que j'accepte encore. Tu craches. Vous voulez me torturer pour que j'accepte encore, c'est ça? Oui, bien sûr. Tu t'enfonces dans... Tu t'éloignes de Voragne. T'éloignes-tu de Voragne? Bah, finalement, je m'arrête et je retourne vers lui. Tu retournes vers lui? Oui. Donne-moi une raison pour pas te manger. Manger? Oui. Parce que après. Tu veux encore qu'on s'embrasse? Non! Même sans rêve! En plus, il m'a donné un truc dans ma bouche. Moi? Tu manges des champignons ou quoi? Bah, non. Regarde! C'est toi là! Vautrer dans la fange. C'est ça, ouais. Hunter Mansion. Oh, l'ambiance. Et je peux me fondre à votre fête. Il y a de l'ambiance ici. Il sort sa petite bouteille de vodka. Ouais, voilà, c'est ton alcool, ça, encore. Oh, oh. Ça sent mauvais. Oh. Ton odeur d'alcool, elle brûle les trous de nez. Ah, ça fait du bien. J'aurais pas dû céder à la faiblesse d'homme. Allez, va chasser, te dis-je. Non. Tu veux tâter du fouet? Ouais. Non, je rigole. Mais c'est pas juste. En plus, je dois y aller seule. C'est toi la chasseresse. Okay. Allez, si tu ne ramènes rien, je boufferai Irina. Ne la touche pas. Sinon quoi? Il s'approche avec son fouet. Non, je te fais manger ton fouet. Tu me ferais manger? Je voudrais bien voir ça. Me teste pas. Tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Même si j'ai pas réussi à le réveiller depuis longtemps, fais attention à ce que tu fais. Ou sinon le mâle blanc te rongera. Va te coucher. T'es trop jeune pour voir ça. Non mais j'ai ton âge, s'il te plaît. Non, j'ai un an de plus que toi. Non, déjà je suis adulte. Mon perso est adulte. Mais... Alors, oh oh. C'est qui? C'est toi? Non, c'est pas lui. C'est lui ou pas? Tu sens les mains et tu sens vaguement en présence un souffle qui fait bruisser les feuilles tout autour de toi. Mes recherches, mais non! Tu pourras répandre en lui la force. Le de tête misère. Non! Viens me rejoindre. Non! Donne-moi une bonne raison de te faire confiance au moins. Tu gagneras un royaume pour toi et les tiens. Un royaume où votre différence sera une force. Donne-moi une raison de te faire confiance encore. Parce que ça se trouve, tu vas rien faire. Tu vas nous laisser là, nous abandonner. Et tu vas rien me faire en échange. Tu vas pas me redonner ma forme normale. Quand tu dis ne pas me redonner ma forme normale, tu vois tes mains. Il n'y a aucun poil. Je veux des poils. Je veux des films. Il n'y a aucun poil. Mais, t'as réussi à redonner ma forme normale. Mais tu peux me donner plus de puissance, peut-être, pour que j'arrive à t'aider. Non. Non. C'est impossible. Ou alors, non. Vous devrez tenir vos promesses. Vous le promettez. Les chants qui sont dédiés. Ça ne sert à pas que t'avais plus dire. Tout va bien. Tu devrais tenir ta parole. Non, tu viens de le faire avec un mec qui m'a roulé dans la bouche. Je sais, mais c'est pas grave. Tu viens de le faire avec un mec qui m'a roulé dans la bouche. Il me donnera de la force. Pour aller défaire le défaiseur. Mais il me faudra de la puissance. Ah non, mais t'inquiète, je serai là, moi. Bonne viande fraîche. Oh, mais moi, je suis là. Ouais, tu fais quoi, là? Et là. Toi, la jeune fille, tu plonges tes serres dans la gorge. De Voragne. J'ai pas fait exprès. Les yeux exorbités. Sale alcoolique. Quand tu j'aime retires pas les tes alcooliques. Serres, le sang se répand sur toi. Oh, joli. Je pourrais goûter. Pas touche à ma viande. Ok. Juste que ça fait un moment où je sais pas. Il a un drôle de goût, un drôle de fumée. Il y a cette même saveur de vieux bolet. Il s'est effondré. Il est à tes pieds. C'est garde. Ils sont où? Et là, tu vois un homme qui te met en joue. Eh oh, je suis là, moi. Je peux toujours vous tuer, je vous rappelle. Va te coucher. Un homme qui te met en joue de son fusil. C'est toujours normal. Tout tremblant. Je suis normal ou pas? Dites-moi, comment vous me voyez? Normalement. Tu lui poses la question? Oui, tu sais que ça me va bien. Et je verrai si vous restez en vie si vous me répondez à ma question. Vous me voyez comment? Tu te promets? Oh, l'antipape me protège! L'antipape me protège! Et il sort un crucifix en tremblant. Mieux. Saisi du crucifix. En fait, il a lâché son arme et il est tout tremblant devant toi. C'est les cornes à 10 000 km. Ah oui! Oui! Et tu te retrouves en train de contempler ses entrailles. Oh damn! Répandues sur le sol. Mais qu'est-ce que je fais? Je me fais manipuler ou je rêve? Je suis pas une marionnette en fait, je t'explique. Mais bon, j'ai fait un marché, je dois le tenir. Bon bref, je mange et après j'y vais. Tu manges. Attends, je vérifie si. Tu as du sang qui dégouline de partout. Mais et tu as entendu. Les hommes criaient tout autour, tu es dans le bois. Mais du tu coup, t'es enfoncé. Je suis sous ma forme humaine. Enfin, humaine. Demi-humaine. Ou pas. Donc j'ai des poils encore pour être viril. Virilité. Tu as tes mains, pareil, il y a des griffes. Okay. Elles sont couvertes. Du sang fraîchement répandu que tu lapes. Attends, c'est la peau de quelle couleur? Ok, je suis pas tout à fait normal, mais tout bien. Tu as la peau blanche d'une toute jeune fille. Ah, bah c'est bien, je vais pouvoir manipuler les gens. Non, je... Tu es au bord d'une rivière. Oh, bon. Monsieur qui se tient près de toi. Il a une petite chemise toute étroite, tout usée et limée. Le crâne dégarni, le haut du crâne, une belle calvitie qui brille sous la lune. Vous êtes un panneau solaire, monsieur. Une barbe épaisse. Tu sais, tu débarques comme une barbe. Ce qui semble être la lune, mais peut-être que le soleil au cœur du bois. Loin des troncs torses qui barrent le chemin. Pourquoi vous tenez ma main, monsieur? Mais ma pauvre enfant, que fais-tu égaré ainsi dans le bois? Coucou. Loin de tout. Là, je balance un caillou. Il a des petits. De petits yeux tout tristes. Don't touch. Bah, tu viens de me toucher, tu as le mal blanc là. Non. Viens avec moi. Si, oui. Viens avec moi. Pourquoi? Tu es un pédophile. Je ne te fais pas confiance. Tu es toute couverte de meurtrissures. Oui, mais c'est rien. On t'a retenu contre ton gré. Oui, exactement, t'as tout compris. Je suis traumatisée. Tu as tué plein de personnes, tu as été traumatisée. Tais-toi. Est-ce ton sang? Es-tu blessée? Ah oui, j'ai très mal à la jambe, c'est bizarre. Pourtant, là, il n'y a pas de sang, tu en as plein. Plein sur le torse, plein sur le visage. Tu n'es pas blessée au visage? Tu sais pas mentir, dis donc. En fait, il y a quelqu'un qui est venu. Je sais pas, je suis trop désemparée. N'aie pas peur. À la lumière du clair de lune, les choses paraissent étranges et singulières, bizarres. Non, ne touche pas. Mais. Les craintes. Décide. Viens avec moi dans. Non, viens avec moi. Tu seras à l'abri dans mon église. Vous avez de la nourriture? Attends, une église? Mais oui, je pourrais te donner à manger, n'est pas. Attends, une église, vous avez dit? Oui. Non, il y en a, il a déjà essayé, donc ça marchera pas. Allez, ma foi, ne doit pas t'inquiéter. Ma foi n'est que celle d'un vieillard. Chaque jour, je me pose des questions derrière l'iconostase. Il prend dans ses grandes mains. Les mains dans mes mains. Il prend dans ses grandes mains tes toutes petites mains et il retire un peu du sang et dégage tes doigts de jeune fille. Et viens. C'est bon, il arrive. Viens, rassure-toi, je ne te ferai aucun mal. Je sais qu'il y a des gens, des ultras de Kiev qui chassent les personnes un petit peu différentes comme toi. Mais moi, je n'en suis pas. Hé, hey, vous fichez, monsieur. Il y a plein de gens comme ça, c'est normal, après la catastrophe. Mais je dois aller quelque part, monsieur, en fait, je vous explique. Où dois-tu aller ? Quelque part. Mais tu iras après t'être reposé, t'être bien nourri. Peut-être que je pourrais même te trouver des vêtements. Ah, ça m'arrange parce que je n'ai quasiment rien. Merci monsieur, oui. Je vous adore. Je vous aime déjà monsieur. Bien. Et quand tu te redresses, tu as à peine à tenir sur tes jambes. Ah. T'es toute faible. Ah. Ça c'est ma transformation, ah. ça veut... Il te prend dans ses bras. Et tu te retrouves contre son épaule. Là, tu le serres comme ça. Oui. La mignonne fille. Tu sens le long de son cou une odeur de miel. Eh, vous avez un bon parfum, monsieur. Il y a une odeur de miel. Je vois pas que c'est comme ça. Et il y a plein d'odeurs qui émanent de ses vêtements, qui viennent jusqu'à tes narines, qui viennent ravir. Oui, c'est agréable. Merci. C'est pas l'odeur du bois. Monsieur, vous sentez trop bon. D'habitude, on ne me dit pas cela. Par rapport à moi, je me sentais meilleur. Mais crainte, on va te laver. Je vais... Avec de l'eau froide qui sort des égouts. Non. Non, il ne faut pas. J'ai vu que tu étais tout près de la rivière. Tu as failli boire à cette eau. Cette eau est contaminée. Il ne faut pas boire ici. D'accord. Il ne faut pas boire ici. Mais moi, il te repose. Je vais t'amener. Et on trouvera un paquet, on te donnera un bain, tout ira pour le monsieur, mieux. Monsieur, pourquoi vous avez peur de moi? Vous n'avez pas peur de moi, pardon. Mais pourquoi j'aurais peur Parce de toi? Parce que je suis un monstre. Mais non, tu n'es pas un monstre, tu es juste une petite fille égarée dans le bois. Allez, viens. Particularité physique. Allez, viens. Oui. Et te prends. Allez. Let's go prendre un bon bain. Te soulève sans aucune difficulté, te porte. Bah, après, j'ai pas mangé depuis longtemps. Faisons je viens de manger deux personnes, mais tout va bien. Faisons attention à toi. Et tu arrives en vue d'un petit. C'est lui qui dit ça. C'est une baguette. Tu arrives en vue d'un petit village de masures en mauvais état. On n'aura pas peur de moi. N'aie crainte, tu es en ma compagnie, il ne va rien se passer pour toi. Personne ne portera atteinte à toi. D'accord. Tu es sous ma protection. Je suis le porte de ce village, personne ne viendra t'ennuyer. D'accord, merci monsieur. Très aimable. Allez, viens. J'essaie de le suivre, même si j'ai un peu de mal à marcher. Non, il te porte. Ça serait très gênant. Vous arrivez devant une église. Waouh, c'est beau. Avec les trois bulbes dorés. Non, pas de une église, une église de bois avec les trois bulbes qui ornent le clocher. Les bulbes dorés qui sied à son culte. Mais est-ce que ça me tuera les croix bizarres? Mais non, penses-tu? Allez. Penses-tu? Il pousse la porte, puis il te dépose délicatement sur l'un des sièges, dans l'une des travées. À l'intérieur, c'est très modeste. Il y a de grands panneaux l'iconostase, là où on dépose les images pieuses. Le reste est particulièrement dépouillé. Tu n'as vu personne en arrivant. Il faut dire que c'était presque lui. Juste des palissades à peine dressées. Il y a des personnes dans votre village? Oui, mais ils sont à cette heure en coignée chez eux. Il n'y a pas de roses qui viennent ici? Non, mais s'ils viennent, ils ne pénétreront pas dans la maison du Seigneur. Je suis le pape de ce village de Niche. Allez, rassure-toi, je vais chauffer un peu d'eau dans la sacristie, te préparer du savon et tu pourras te laver. C'est trop beau pour être vrai tout ça. Allez. Et je devrais trouver quelques vieilles robes. Elles seront noires, mais c'est pas grave. Pas grave. Des robes. C'est pas grave. C'est gentil de votre part déjà. Je comprends. Par robe. Par robe, on entend les robes de son sacerdoce. De grandes robes que revêtent les prêtres orthodoxes. Pour une prêtresse, mais tout va bien. Pour un démon qui fait une prière. Il vient te rechercher, puis t'amène dans la sacristie. Voilà, je t'ai préparé l'eau, tu vois, elle est encore fumante. Ici, il y a du savon. Allez, je te laisse. Lave-toi. Je reviendrai te voir quand tu auras fini. Préviens-moi. Merci, monsieur. D'accord. Je me dépêche. Je me sors, je m'habille. Tu revêts une robe bien trop grande pour toi. Voilà, tes manches qui pendouillent, que tu dois retrousser pour... Allez, viens. J'ai préparé la soupe pour toi. Merci, la bonne soupe. Et... De la soupe. J'ai piégé une musaraigne hier. On pourra la partager. Ouais. Et il y a un peu de pain, mais avec ce mildiou, j'en ai que très peu. Je te donne une croûte. Non, mais on peut... Tu as besoin de force, petite. Pour le pape qui a presque pas d'argent. J'aurais dû commencer par là. Je suis Arvo. Tout est lié. Tout est lié, monsieur. Arvo, pas. Ah, tu n'as pas de nom. Si, j'en ai un. Leslie, oui. Tu n'as pas de nom. Non, pas de nom de famille. Mais c'est pas grave. Oui, tu n'as pas de famille. Mais et moi, je m'appelle Ellie. Et salut à tous, c'est Ellie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau machin truc. Attendez. De notre Dieu à tous. Mais il m'a dit de faire quelque chose tout à l'heure. J'ai oublié, c'était quoi? Tu peux avoir de grands desseins en toi. Si tu es habité par l'Esprit Saint, alors ton cœur te guidera. Mais tout j'ai est pas lié, eu... ma petite. D'accord. T'en as combien de cœurs? Lequel? Oui, je ne vais pas dire ça. Il ne faut pas t'obscurcir l'esprit de tes péchés. Tes péchés te libèrent. Il n'y a pas besoin d'église pour prier le Dieu. D'accord, je vais prier 24 heures sur 24. Il est partout. Il est en toi. Si il continue à me protéger, je ne vais pas arrêter de prier. Je vais devenir croyante si ça continue. Je sens que sur toi pèse quelque chose de lourd. Mais tu ne pourras pas te confier le moment venu. D'accord. Je pourrais peut-être t'aider. Moi ou les membres de ma communauté, de ma congrégation. D'autres enfants comme toi vivent ici. Ah bon? Des chimères? Enfin, même si j'en suis pas techniquement l'une, mais j'en suis une demi. Oui, d'autres enfants qui, comme toi, ont connu des jours difficiles. Mmh. Ils sont protégés par Dieu. Nous protégeons tous ensemble. Ah d'accord. Malheureusement, nous avons... Chaque jour suffit sa peine, ma petite. Mais, tu vas pouvoir... Je vous aider, hein. Tu vas pouvoir te reposer maintenant, comme je te l'ai promis. Oui, tu sommeilles, merci. Oui. Et je sens toi une fièvre poindre. Tu as besoin de repos et demain nous irons voir la rebouteuse pour qu'elle t'examine. Elle est méchante? Mais non, rassure-toi, elle est gentille, elle ne veut que du bien. Elle à va son me prochain. Juger, c'est sûr. Mais non, tout pourquoi me juge. Pourquoi te jugerait-on? Regardez, je suis le diable incarné. Mais non, tu es une jeune fille. D'accord. Tu es l'esprit, cela nous suffit. D'accord, merci. Tu es Leslie de Kersal. Lucie. Lucifer. Non, non. C'est quoi ça? Tu es Lucie de Kersal. Si Lucie? Non, non, Leslie, c'est bien. Ça va Leslie, me... ça te vient? Ça va me perturber. Comme après. Tu voudras. Tu es celle que tu voudras être. Nous t'accepterons tel que tu es. C'est trop beau pour être vrai. Mais non, c'est un rêve, c'est faux. Attends. Tu n'as pas besoin de t'affliger. Douleur, c'est pas parce que les gens que tu as rencontrés jusqu'à présent étaient hostiles que tous le sont. Il faut que tu te convainques que les gens peuvent être... Bonsoir. Va te coucher. Ne gâche pas mon plaisir. Mais quoi? Non, mais j'ai rien fait, moi. Il y a un pays, une autre. Je m'appelle juste Bonsoir. Va-t'en, bonsoir. Bonsoir. Il y a de nombreux petits anges qui errent dans le village. Il ne faut pas t'en préoccuper. Parfois, ils ne regardent pas avec les yeux du cœur. Ils regardent avec les yeux de la raison ou de l'envie. Et la haine les dévore. Mais... c'est un ange pleureur. Mais oui, c'est des anges pleureurs, c'est ça qu'il entend décrire. Pareil à ces statues qui figurent dans les églises des gens de Kiev. Il ne faut pas regarder le mal qu'il décrit. Dans ma périphérie. Il faut avoir confiance dans la paix. T'as bougé, t'as perdu. Il faut vivre dans ton présent et croire en la bonté. Alors la bonté, t'es toi. Tu vas aller t'allonger sur le banc. Je préfère que tu restes dans l'église pour cette nuit. Moi-même, j'irai dormir dans la sacristie. Vous pouvez y venir. Tu as peur. Jake! Tu as peur de ces icônes-là? De tout ce monde que tu ne connais pas? Allez, viens. Mais je suis pas sainte, moi. Je suis... Et il t'invite à te reposer sur son épaule et t'allonger sur le banc. Il a plié l'une de ses robes en dessous. Il allonge. Repose-toi, tu as besoin de repos. Demande. Pas bouge. Quand je vois malgré tu sens comme une trace, comme une présence. Cette présence avec laquelle tu as scellé le pacte. Oui, c'est pas faux. Qui chuchote, qui est là, qui est présente. Ce gamin qui grogne, s'agite. Monsieur le GPS, voulez-vous répéter le pacte que nous avons formé. Merci beaucoup. Mais de beaucoup fait, Google Maps. Quand tu songes à cela, quand tu dis cela, tu es toujours allongé le long du contre le train. Tu sens sa chaleur tranquille. Tu vois qu'il est à demi assoupi. Parfois un œil, tu regardes cette ration. Mais partout autour, c'est l'ombre et tu vois les ombres, les choses qui bougent. Et je fais pas attention, je vais te dire. Il y a ce petit gamin qui est en train de manipuler une radio, une TSF. La radio. Qui suit le conflit, la guerre en cours. Arrête de cacher toute la poésie de a décrit, a lancé sa bulle papale. L'a lancé sur les routes de la vraie foi qui doivent éliminer et brûler tous ces hérétiques, ces sous-hommes, ces mutants qui infestent la forêt. Autour du sarcophage. Je m'en doutais que tu l'as fait pour la nature et les... ceux qui viennent de tuer. Oui, je sais, je m'en doute du monde. Petit gamin, qui la radio. Je prends la radio, je vais mettre le petit gamin qui règle la radio est tombé sur une fréquence. C'est elle qui te dit que c'est un décret qu'il faut défaire le défenseur, que c'est un décret que se tient ton royaume, et que c'est de décret que tu pourras conquérir Kiev, car tu es celle qui va mener les chimères à la guerre. Non. Pardon. Censuration de ce mot. En fait, de radio, non, il est en train de manipuler un encensoir qui nettoie. Mais du coup, je vais te recoucher, moi, c'est une bonne idée. Tu es contre ce vieux bonhomme. Et il va détruire le monde. Ah, je vois que d'étranges pensées traversent. Répédir dans mes pensées. Oh, je ne vis pas dans tes pensées. Je vois tes regards inquiets qui courent dans ma modeste église. Je vois que tu crains même mon sacristain, mais tu sais, Mickey, c'est un gamin comme toi que j'ai trouvé dans le bois. Mais regarde, il a encore un peu de haine. Je ne désespère pas d'un jour le convaincre. Viens, mon ami, viens. Oh, calme, apaise-toi. Vois comme elle est gentille. Vois sa gentillesse en elle. Il s'est retransformé en ange. Tu vois un gamin dont le visage est ravagé par les brûlures. On l'a brûlé ? C'est la brûlure du grand sarcophage. Ah. Il est atteint du gros mal qui s'est fait dans cette terre. Colère. Il peut être en colère auprès des hommes. Ah, des hommes. Mais nous avons tous en nous une part de Dieu. Mmh. Et nous pouvons nous pardonner les uns les autres. Tu te calmes, Martine. Peut-être que ça l'apaisera. Non. C'est trop tôt pour toi. Pourtant, tu pourrais lui faire. Mais il va me tuer, c'est sûr. Mais non, il ne va pas te tuer. Aie confiance en toi-même. Alors, c'est l'inverse. Tu vois, j'ai pas... tu as bien voulu me serrer dans tes bras. Oui, mais lui, je... Tu peux aussi le serrer dans tes bras. Là, alors, on lui met une muselière. Non. Non, ne te méfie pas de lui. Écoute les voix de tous ceux qui, comme moi, ont cru en la bonté de l'homme. Allez. Mais il m'a dit que j'allais ramener les chimères à la guerre. Pas lui. Tu ramènes les chimères à la guerre. Tu as des choses plus jolies à faire. Tu pourrais nous aider à lutter contre les mildiou qui envahissent. Je suis sûr que. Calme et communicatif. C'est un homme âgé qui sent tout frêle dans sa vêture d'ecclésiastique et il tend la main de la jeune fille que tu ne te souviens pas. Mais nous avons recueilli comme toi plein de gens et je... il se peut que l'oubli m'ait frappé et que même toi, je t'ai déjà recueilli. Parfois, le passé se répète Ce sont des traumatismes comme ceux dont souffre ce jeune enfant. Parfois, on parvient à les guérir. Et c'est ce que je veux croire pour toi et lui. C'est pour ça qu'il est ici avec moi. Non, et lui. Ah, c'est moi. Ah, je suis en train de faire le coucou depuis tout à l'heure. Ah, mais je peux pas le manger depuis le début. Avant de songer à la guerre qui couve entre les orsins comme toi. Bon, là, je suis orsin, donc je peux pas croire. Je peux pas être accepté par Dieu, techniquement. Mais si. Dieu. Grand dans sa miséricorde, il voit tous les péchés qui sont dans ton âme, mais ce n'est pas à lui de te pardonner tes péchés, c'est à toi de les pardonner, en répandant la bonté. Mais après, je pourrais faire tous les péchés que je veux, tant que tu me pardonnes, ça ne sera pas grave, c'est ça? Tant que tu mesures la bonté, tant que tu répands la bonté autour de toi, tout ira pour le mieux, tu n'es pas mise à la guerre. Mais c'est ce qu'il a dit pourtant. À toi de suivre ta voix, celle qui chante au loin. Repose-toi. Non. Il plie une autre de ses robes pour t'en faire un oreiller. Tu t'approches de lui pour lui faire un câlin. Allez. C'est pas de mal. Celle d'Alexane. On a compté son triomphe. Voilà tout ce que je voulais dire, c'est juste pour si je peux faire le design du personnage qui est tout le temps énervé. Enfin, bah, en fait, tu es à Kersel. Ah, c'est moi? Bah oui. Tu as été recueilli par Arvo. Mais tu les manges quoi? Tu les manges pas, sinon d'accord. Je te mange. En plus, t'auras un goût de Yoshi. Non, pas de Yoshi, de Gnocchi. De Gnocchi. Ah, c'est bon, les Gnocchi. Donc, je vous fais apparaître à l'écran. Ça marche? Le monsieur? Ah oui! Ah, mais c'est lui le panneau solaire! Ah non, mais c'est vraiment un panneau solaire! Ah non, mais moi j'imaginais pas comme ça! Mais il a l'air tellement gentil et c'est fou! Comment tu veux être méchant avec lui? C'est lui qu'il faut tuer? Non. Ah non, c'est celle qui va nous soigner? Je sais pas. Non, non, donc, c'est celui qui veut qu'on aille voir celle qui va nous soigner. Non, il a dit que dans le village, il y avait une rebouteuse. Et que moi j'allais la voir. Après le lendemain. Qui allait te soigner, apaiser la fièvre qui était. Et on doit tuer la rebouteuse, c'est ça? Non. Non, le. Il a dit. La voix portée par le vent a dit que. À. Becquerel, il y avait le défaiseur Vig. Et. Toi, Leslie. Je devais le tuer, non? Tu as fait un pacte. Tu t'es engagé oui. Bah, moi aussi, à en l'aider fait. Moi aussi. À défaire le ce défaiseur. À vieillir. C'est qui? Il a dit le nom Vi. Le village Becquerel. Je vais m'en renseigner, mais je dois le tuer. Tu dois m'aider à le tuer. Je dois défaire le défaiseur. Mais si il est fait, si c'est un, si c'est une statue faite en laine, je le défais. Non, en fait, tu dois m'aider à tuer le défaiseur. Enfin, à défaire le défaiseur. En gros, défaire, ça veut dire le mettre KO. Oui, je sais. Ouah, c'est des... Oh, il y a des loups, ils sont trop stylés. Non, c'est des renards noirs. Ouais, j'ai marqué des juste. Des renards d'eau. Mais ils sont trop beaux. Bah, ça existe? Oui, tu savais pas que ça existait? Ouais, mais c'est trop beau. Moi, j'ai cherché des images de renards, je suis tombée sur des renards noirs. Oh, c'est trop beau. Des renards noirs. Et donc... Non, mais j'en veux voilà un. Voilà l'habit de notre... de Arvo. What? Du coup, je porte ça. Oui. Mais sans le truc. Ouais, t'as pas le... Tu peux mettre la croix si tu le veux, moi, mais... pas la croix. T'es transparente. Et donc, la croix dont je te parlais, c'est la croix orthodoxe. Alors que celle que portent les Ouros, c'est la croix oncée que vous connaissez, la mais croix rouge. Mais ça me faisait du mal, la croix qu'il a essayé de me faire... Non, rien du tout. Ok. Il a cru que j'étais un démon, c'est ça? Manifestement. Mais je le suis, mais je suis pas à ce point-là, en fait. Je suis un démon matérialisé dans la vraie vie. C'est compliqué. Ouais. Alors, à ce stade, je vous propose de procéder au débrief. Chips. Alors, on a joué une instance de chacun, en sachant que j'ai joué, puisque... T'as les cheveux noirs. Vous êtes arrivé sur une... Toi, tu es arrivé sur une case de triomphe où se trouvait déjà... Le Horla, tu y as été confronté, mais tu étais dans une position de triomphe. Oui. Toi, tu as joué ton triomphe avant que le Horla ne vienne. Oui. Et le Horla s'est imposé à toi. Non, mais j'ai eu de la chance finalement. Après, le karma était dans le mouvement mais suivant. Mais en vrai, ça m'a pas fait grand chose. Hein. Ça t'a fait quoi? Ça a failli te tuer? Ah, je ne sais pas. Ou alors t'as sombré dans la folie. Ouais, bah, logiquement, j'ai sombré dans la folie là. Je ne sais pas. Donc, tu as. Là, selon pour le moment, toi, c'est pas ce qui s'est passé. Tu as. Voilà. On peut dire cela à ce stade. Donc, là, c'est à ceux qui écoutent et à nous qui écoutons la partie de s'imaginer ce qui va se passer, ce qui s'est passé, etc. Bah, et pour savoir comment c'est aussi. Comment. Enfin, aussi, on va le jouer. Mais pour le moment, ce qu'on peut faire, c'est s'imaginer comment c'est passé. Et aussi comment Ellie a pu se retrouver dans cet état à avoir de la haine vraiment pour tout le monde alors qu'avant c'était vraiment pour faire la guerre aux Ouros. Heureusement que tu as fait un câlin parce que sinon il m'aurait détesté. Ah oui, sinon je t'aurais mangé. Non mais immunité, je t'ai fait un câlin, t'as pas le droit. Ah oui, ouais c'est vrai, tu m'as fait un câlin donc t'as ah immunité. Oui, j'avais oublié. Du coup je t'enverrai l'image finale. Tu la veux sur ordinateur ou par photo? Par photo, c'est très bien. Ok, bah je vais essayer de la terminer ce soir. Alors, qu'avez-vous pensé de la fiction que nous Alors, avons contée ensemble? Alors, comme d'hab, trop génial. Ça vous a plu? Comme d'hab, comment tu parles? C'est trop bien. Ça t'a plu non, aussi? Non mais t'es pas honnête. Oui, mais c'était trop beau pour être vrai, moi je dis. Mais c'est trop beau pour être vrai. À chaque fois, c'est trop beau pour être vrai à la fin. J'aime bien. Alors, des fois, on fait des fins vraiment magnifiques. Vous avez rencontré plus de personnages que ces derniers temps. On a plus respecté, je trouve, même si on n'a pas eu trop d'instances. On a joué que deux instances. Vous avez joué chacun une instance. Donc, nous avons joué au total deux instances. Mmh. Et il y a eu une instance de l'adversité. De confrontation. Voilà. Joué en deux temps. Puisque elle venait se jouer après votre instance. Donc la prochaine session débutera sur une instance pour Xavier. Yep. Et vous êtes tous les deux sur une case de triomphe. Donc, compte tenu de la circulation, vous ne pourrez vous déplacer que dans le sens logique. Donc après, vous avez que la possibilité de souffrance ou de victoire. La case de triomphe... Avec les balles que j'ai, j'aurai souffrance. La prochaine case de triomphe, elle est à trois cases de là. Donc à vous de jouer tactique dans vos instances successives. Je crois que je vais me sacrifier pour économiser des graines. Pour la caler, en sachant qu'il y a en lice plus qu'une adversité. Là, elle s'est consumée dans le tour. Mais que cette adversité a continué à se déplacer, qu'elle a libéré la place pour que une autre se manifeste à l'entrée. Mais du coup, on a tué l'adversité, là. Pas tué. En tout cas, elle s'est consumée dans ton triomphe. En vrai, c'est comme la grenade... Toi, tu as dominé quelque chose, tu en as imposé au monde. Et le monde dans Afi, c'est le décor et les figurants, donc y compris les Orlas. Mais si j'avais mangé... Non, je l'ai mangé. Mais si je l'avais mangé avant le pacte, ça aurait fait quoi? Bah ça aurait changé complètement les choses. C'était un choix, c'était libre pour toi. C'était totalement libre, c'était toi qui fixais. Mais il va me falloir dans un triomphe. Puissant, si jamais il est puissant, l'autre, on sait jamais. Ça se trouve, c'est un papy. Mais après, il va se transformer en Orla de je ne sais qui. Alors donc, en résumé, la galerie de portraits. Donc nous avons comme personnage Leslie Ellie, Arvo, le prêtre orthodoxe dans l'église de Kerslev. Nous avons ensuite la petite Irina. Déjà, il y a Dimitri et Dimitri. Dimitri, Voragne, a priori, tu l'as dévoré. Il s'est fait paix à son âme. Et pas du tout. Ah non, non, non. Et tu as laissé sur le chemin, sur la voie déchue, tu as laissé les cadavres d'au moins 4 miliciens Ouros. Yep, je les ai. Oui, sans sépulture. Oh, oups. Ils vont revenir à la ville. Mais non, parce que j'avais dit s'il y en avait deux. À cause des champignons. Oui, mais après, t'as dit que d'autres venaient et que tu les tuais. Mais il y en avait au moins une douzaine. Ah non, oui, il y en avait deux. Donc, nous sommes à 14. Non, il y en avait deux. Tu as bien entendu comme moi, Alexandre. Après dire, je suis un peu sourde. Je crois que j'ai entendu une... Attends, j'ai oublié. Une douzaine. Voilà. Bien essayé. Une zéro N. Bien essayé. Tu vas mourir. Alors, est-ce que... Les cordyceps se faire. Le fait... Je reviens sur ma question que j'avais posée à la fin de la précédente session. La tentative première d'Afi. Donc là, c'est la deuxième session. On a joué de façon plus posée. Est-ce que le fait de déterminer et de choisir l'ordre dans lequel on joue les scènes et que les scènes aient un contenu figé à l'avance sur vos possibilités qui peuvent varier de triomphe, souffrance, sacrifice, etc. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'on reste sur Afi? En fait, pour le moment, tout m'a convenu dans la partie. J'ai rien à rajouter. Et puis voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est j'ai un serpent dans ma botte et j'aime les gaufres. Voilà, au revoir. Et j'ai un Orla dans ma botte aussi. C'est nouveau ça. Oui, bah non, ça c'est ça date toi, de hors micro. De quoi? Est-ce que le fait que tu sois amené à choisir de façon tactique sur le parcours le type de scène et qu'ensuite le type de scène soit figé à l'avance et que ensemble on détermine le résultat, on joue la scène dans une optique de jouer soit un triomphe, soit un sacrifice, soit une victoire, est-ce que ça te convient? Plutôt que de jeter les dés au moment d'un affrontement, d'une difficulté ou pour clôturer une scène, on jette les dés avant et on sait d'ores et déjà comment on va construire ensemble la scène. Bah, moi je trouve que c'est mieux le point de vue stratégique en fait. Et ça te convient ce rythme-là? Moi ça me va très bien. Moi, tout me va là. Tout me va donc. Attends, en fait. D'avoir une contrainte, voilà. Moi je préfère ça. Hop. Du coup, j'ai déjà à peu près l'image pour le truc, la forme qu'elle va avoir. Elle va un peu changer de coupe, mais c'est pas grave. Parce que ça coupe quand elle est petite. Et tous je dessine une moustache d'Hitler. Attends, non. Arrête que je t'ai dessiné une moustache espagnole. Hein, qu'est-ce que t'en dis, une moustache italienne? Non, non, non, non, non, non. Pour la peine, j'en fais une. Alors, où est-ce qu'il est? Bah non, mais il n'y a que mes personnages. Non. Non. Je peux dire son nom. Ah, je sais. Je l'ai fait une moustache. Donc, Force. Alors, on a une tonalité plutôt horrifique. Je pense un peu plus mivalienne qu'à l'accoutumée. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti dans cette session. Ça ne nous interdit pas d'avoir quelque chose de plus sucré, à l'instar de Madame Patate et Clint Perry, que nous entendons à l'heure actuelle. Et qui servira du générique. Ça, c'est ce qui se passe dans sa tête, à Ellie. Et ce qui se passe dans la vraie vie. Il est en train de bouffer tout le monde. Et lui, il y a sa musique, tranquille. Nam nam nam nam nam nam nam. Lui, il mange des bonbons, en vrai. Non, en vrai, c'est des bonbons, on est d'accord. Ce morceau s'intitule « Je n'ai pas peur ». Je suis sûre qu'avec cette musique, il n'aura pas peur. Tu sais, tu mets cette musique... Il y a un truc effrayant avec cette musique, avec un montage, tu vois, pour les trucs mignons, tu fais... Oh. Et après, il fait... Ouah. Tu sais, après moi je suis en train de manger, il y a des sons partout et on entend cette musique. Regardez ce petit Ellie sauvage en train de manger sa petite. Tu sais, au départ c'est moi comme ça. Mais au départ en fait tout le monde croit que je suis gentil. Enfin perso. Tout le monde croit que mon perso est gentil. Mais après quand tu vois la tête de ton personnage, on dirait que c'est un personnage de cartoon, ton personnage. Oui, et après, et en fait, il est très petit au niveau taille. Hein. Là, tu l'as fait vraiment très grand, en fait. Oui, je sais, mais c'est pas grave. C'est un enfant pour le moment. Mais jure, t'as un petit enfant comme ça. Ou au pire, on va... Et après, genre, t'as un petit enfant comme ça, qui fait... Oh, j'ai le droit de te manger les reins. Mais en vrai, c'est sa forme adulte, qu'on peut dire, au pire. Ouais. Mais c'est bon, tu peux le faire en haut, non?